La controversée Westboro Baptist Church qui dit vouloir manifester devant l'école Sandy Hook au Connecticut pour rendre hommage à l'œuvre de Dieu. Dans le passé, cette église qui condamne avec virulence l'homosexualité, entre autres, manifestée aux funérailles de victimes du sida et à celles des victimes de la tuerie en Arizona. Moi, ce serait des cas de chaises électriques. Quand tu veux imposer tes vues stupides à d'autres mondes puis aller écœurer le monde aux funérailles.